Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette sixième chronique des ondes positives. Une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose, et je vous propose aujourd'hui de découvrir comment cultiver la joie. Fadjet, les ondes positives. La joie est le jouet de l'enfant, le secret de l'homme, le larcin sacré de la fille et du garçon. Qu'on le blâme si on l'ose, nous écrit la génialissime Emily Dickinson du bureau de sa chambre d'enfance qui faisait face au cimetière du village qu'elle rejoindra quelques années plus tard. De quelle matière est donc faite l'une des plus importantes, sinon la plus importante des émotions qui traversent l'homme au cours de son existence? Comment fait-on pour attraper ce papillon rare et est-il possible de le garder en nous pour toujours? Selon un proverbe germanique, la joie serait suspendue à des épines. Alors, comment saisir la rose la plus belle sans nous piquer le doigt aux redoutables pointes qui la protègent? Peut-être devons-nous impérativement passer par cette étape d'acceptation. La joie est tributaire de la souffrance. La souffrance est partie essentielle de la joie. Quand nous avons faim, songez comme la nourriture nous paraît bonne. À travers ce sage éclairage, Graham Greene nous invite à lâcher la main à cet espoir accroché et accrocheur de pouvoir séparer deux jumeaux ancestraux que sont la joie et la peine. Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho de la voix d'un célèbre philosophe allemand, connu peut-être à tort pour être l'une des figures majeures du pessimisme. Cette voix, c'est celle d'Arthur Schopenhauer qui nous enseigne l'art d'être heureux à travers 50 règles de vie. Infatigablement, nous courons de désir en désir. Et même si toute satisfaction atteinte ne nous comble pas pour autant, si pleine de promesses qu'elle fut, qu'au contraire elle apparaît en général très vite comme une erreur humiliante, nous ne réalisons cependant pas que nous puissions dans le tonneau des Danaïdes. Au contraire, nous nous hâtons sans fin vers de nouveaux désirs. Nous venons dans le monde rempli d'exigences, de bonheur, de plaisir, et nous gardons l'espérance folle de les réaliser, jusqu'à ce que le destin se rappelle brutalement à nous et nous montre que rien n'est nôtre. Ce que quelqu'un possède pour soi, ce qui l'accompagne dans la solitude et que personne ne peut ni lui donner ni lui prendre, voilà qui est beaucoup plus essentiel que tout ce qu'il possède ou ce qu'il est aux yeux des autres. La richesse ressemble à l'eau de la mer. Plus on en boit et plus on a soif. Les ondes positives sur Fadjet. Alors, selon les neurosciences, que provoque la joie dans notre cerveau? Eh bien, cette émotion va notamment générer la fabrication, en plus ou moins grande quantité, de sérotonine. Ce neurotransmetteur se révèle essentiel à la régulation de nos humeurs. Traduction, un cerveau baignant dans la sérotonine est indiscutablement un cerveau heureux. D'ailleurs, nombre de traitements de la dépression, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, le Prozac, agissent en accroissant le taux de sérotonine dans notre encéphale. En parallèle, notre cerveau produit également un autre neurotransmetteur indispensable à notre survie, la dopamine. Si la sérotonine est reliée à l'état de sérénité et de paix, la dopamine active quant à elle la zone de récompense de notre cerveau. Or, comme nous le précise le scientifique américain Robert Lutzig, la récompense, c'est ce qui nous pousse à agir. Si nous n'aimions pas la nourriture et le sexe, nous ne mangerions pas et nous ne nous reproduirions pas. Mais quand la récompense devient notre but premier, elle fait le lit de l'addiction, qui est l'exact opposé du bonheur. À terme, en ne cherchant plus qu'à assouvir nos plaisirs immédiats, grâce par exemple à la nourriture, aux réseaux sociaux, nous diminuons notre taux de sérotonine. Comme l'a si bien dit Gustave Méric, la joie qui a besoin d'une cause, ce n'est pas la joie, mais du plaisir. Maintenant, à vous de choisir. À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres avant nous se sont interrogés sur la meilleure manière de découvrir la joie en eux. Laissez-moi vous raconter. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction le pays des mille et une nuits, quelques siècles avant Jésus-Christ, pour accompagner un couple de parents dans une terrible épreuve. Une ancienne légende arabe raconte en effet qu'un sage homme vivait heureux avec sa famille, une épouse admirable et deux fils chéris. Un jour, il dut entreprendre un long voyage de plusieurs jours et pendant son absence, un grave accident provoqua la mort de ses deux fils tant aimés. La mère sentait son cœur lourd de douleur. Toutefois, étant une femme forte et sage, soutenue par la foi, elle supporta le drame avec bravoure et dignité. Elle avait cependant une grande préoccupation à l'esprit. Comment annoncer la triste nouvelle à son mari? Il avait le cœur fragile et elle avait peur qu'il ne supporte pas le choc. Alors, se tournant vers sa foi, elle lui demanda de l'aider à sortir de cette triste situation. Les jours passèrent et son mari rentra de voyage. Il embrassa son épouse et lui demanda des nouvelles de ses deux fils. Elle lui dit qu'ils auraient le temps d'en parler au dîner, mais qu'ils prennent d'abord un bon bain. Après le bain, à table, elle lui demanda comment s'était passé son voyage. Mais à nouveau, l'homme cherchait à prendre des nouvelles de ses deux fils. L'épouse embarrassée lui répondit « Laisse les garçons, avant je voudrais que tu m'aides à résoudre un problème qui me paraît très important. » L'homme lui répondit « Eh bien, présente-moi ton problème et nous allons le résoudre ensemble. » Quand tu étais absent, un ami est passé nous rendre visite et nous a laissé en garde deux bijoux d'une valeur inestimable. Mais ces bijoux sont si merveilleux que je m'y suis attachée et je n'ai pas très envie de les lui rendre. Qu'est-ce que tu en penses ? Le mari alors lui répondit « Je ne comprends pas ton comportement. Tu n'as jamais été attiré par les choses d'apparat. Et quand bien même tu le serais, ces bijoux ne t'appartiennent pas. Tu dois, à présent, les rendre. » Son épouse lui répondit « Mais je n'arrive pas à me faire à l'idée de les perdre. » Le mari lui retorqua « On ne peut pas perdre ce que l'on n'a jamais possédé. Tu vas rendre ces bijoux, nous allons le faire ensemble aujourd'hui même. » Sa femme lui répondit « Très bien, mon époux, qu'il soit fait comme tu le veux. Les deux merveilleux bijoux seront rendus à celui qui nous les avait confiés. En vérité, c'est déjà fait, car ces bijoux inestimables étaient nos deux fils tant aimés. » Le sage homme comprit le message, enlaça sa femme et, sans désespoir ni révolte, ils laissèrent couler leurs larmes. N'est-ce pas Jacques de Val qui disait « Une joie partagée est une double joie, un chagrin partagé est un demi-chagrin. » Si nous avons pu découvrir que la joie doit être avant tout un état établi à partir de nous-mêmes et non une action tributaire du monde extérieur, il nous apparaît désormais que cette joie se partage, sans pour autant perdre en puissance. Au contraire, comme la flamme d'une bougie qui en allume des milliers d'autres pour couvrir l'obscurité de leur lumière. Offrons le mot de la fin à Spinoza qui nous enseigne que la joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Allez, petit exercice. Imaginons-nous près d'un lac paisible qui reflète dans ses eaux le paysage environnant. Prenons quelques instants pour nous installer dans ce lieu. Et commençons par tendre des fils, comme un pêcheur en quête de poissons. Dans le lac, aucun poisson attrapé, mais regardons encore dans le reflet de l'eau. Il est alors possible d'y voir apparaître toutes les choses que nous désirons. Penchons-nous encore pour mieux voir. Des images continuent de se présenter à la surface. Alors regardons si les fils que nous avons lancés ont pu attraper certains de nos désirs. Malheureusement, à chaque corde sortie de l'eau, son extrémité ressort bredouille. Continuons à regarder ces reflets dans l'eau et apercevons le nôtre en arrière-fond. Et si pourquoi pas, nous tentions de lancer ces cordes non plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur de nous-mêmes. Et regardons alors ce qu'il se produit. Cette fois-ci, chaque corde trouve sa prise. L'objectif est comblé. La joie est là. Voilà, maintenant que nous avons appris à cultiver notre joie, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin,